إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله يقول الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا يقول القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية وهذه الآيات دلالة على أن من الناس من يعمل العمل وهو يظن أنه محسن يظن أنه محسن وقد حبط عمله ثم قال رحمه الله والذي يوجب إحباط العمل أمران إما فساد الاعتقاد وإما الرياء والمقصود بالرياء هنا الكفر وقال ابن كثير رحمه الله هذه الآيات لم تنزل في جماعة مخصوصة بل هي عامة عباد الله كثيرة تلك العقائد الفاسدة التي يظن أهلها أنهم على حق وأنهم ينصرون الإسلام وأنهم يخدمون الدين وهم من أبعد خلق الله عن منهج الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك إلا لأنهم استقوا مناهج تعاليمهم من غير المصادر التي أمر الله ورسوله بالرجوع إليها وهم أهل العلم الشرعي الذين تمسكوا بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح الذين أمر الله بسؤالهم فقال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال رواه أبو داود فقل من أخذ الدين من غير حملته فقل من أخذ الدين من غير حملته وعلمائه المعتبرين يخطر عليه أن يكون ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا ولقد كثر النائين عن أهل العلم في هذا الزمن والمعرضين عن أخذ العلم من أهله فأوقعوا الأمة في ويلات تلو ويلات وسببوا لها انتكاسات تلو انتكاسات وشغلوها عن كثير من المهمات ولعل من أكثر تلك العقائد وتلك العقيدة التي يستبيح أهلها دماء الأبرياء بحجة الجهاد والدفاع عن الدين، وما علم هؤلاء أنهم يهدمون الدين وأنهم يشتتون شمل المسلمين، فتراهم كل يوم يفاجئوننا بكارثة، وتراهم كل يوم يحدثون لها أو يحدثون لنا مصيبة. فأي عقيدة هذه التي تحمل المسلم على قتل نفسه وقتل إخوانه المسلمين، ومع ذلك يعد نفسه من الشهداء الذين يرتقون في درجات الجنة، وكأنه ما قرأ قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فأي جهاد وأي شهادة، وقد وقع المسلم في دم أخيه المسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، متفق عليه. وهؤلاء ما وجدوا لهم منفذا إلى الجنة ونعيمها إلا عن طريق قتل المسلمين؟ أما جعل الله للجنة منفذا إلا عن طريق قتل الأبرياء؟ أما وجد هؤلاء منفذا من الجنة إلا عن طريق قتل الأبرياء؟ أما جعل الله الصلاة منفذا من المنافذ الموصلة إلى الجنة؟ فقال جل من قائل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم قبل ذلك محسنين، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني يصلون في الليل. أما جعل الله الزكاة والصدقة من أعظم المنافذ الموصلة إلى الجنة ونعيمها؟ فقال جل من قائل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا يوجد أعمال يثقل الله بها ميزان العبد يوم القيامة غير قتل الأبرياء؟ أما أخبر صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة؟ بل أما قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه؟ أما قال صلى الله عليه وسلم: أثقى أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله؟ بل قال صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة. بل قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة منازل يغبط أهلها الأنبياء والشهداء، وهم ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: المتحابون في الله. ما أبسط العمل، ما أعظم الأجر. بل قال صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفرد وهو من الاثنين أبعد، رواه الحاكم. وكل هذه الأعمال وغيرها كثير ما وجد فيها الخوارج منفذا إلى نعيم الجنة، حتى يتعبدون إلى الله بقتل أنفسهم وقتل الأبرياء من إخوانهم المسلمين، بل وقتل الأبرياء من المسلمين. وكلمة إخواننا كأننا ندعوهم إلى الانتماء، وقد مرقوا عنا وخرجوا سبحان مقلب القلوب والأبصار نعوذ بالله من شر أهل النار وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار وكلاب أهل النار ونعوذ بالله من عقائد كلاب أهل النار والله لو وقف هؤلاء مع أنفسهم هنيهة أو جلسوا عند عالم فترة وجيزة لو وجدوا الطريق الموصل إلى الجنة يسيرا فهل يسألهم الله لو لقوه ولم يفعلوا هذه الفعلة هل يسألهم الله ويقول لماذا لم تقدموا أنفسكم في الدفاع عن ديني وفي الدب عنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها عباد الله هذه الأفكار المنحرفة التي يستبيح أصحابها أمننا وقوتنا ولحمتنا ولحمتنا يجب علينا أن نقف صفا واحدا في حربها وعلاجها ويجب علينا جميعا سواء كنا يعني من عامة المسلمين أو من العلماء أو من ولاة الأمور في كل البلاد أن نقف جميعا لمحاربتها لحربها وعلاجها فأما حربها فبالوقوف مع ولاة الأمور ومع رجال الأمن في بلاد المسلمين ومع السلطات حتى في بلاد غير المسلمين للأخذ على أيدي هؤلاء المنحرفين وأما علاجها فمن علاجها وما هو الأهم في هذه الأمور نشر العلم الصحيح العلم الصحيح من العلماء الربانيين الذين يدرسون الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح ومحاربة المعاصي بكافة أنواعها من البدع والشرك والكفريات والشركيات والبدع وغير ذلك وتقديم حق الله على حقوق أنفسنا كما قال سبحانه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وحتى نسد باب الذريعة على هؤلاء المارقين الذين يأخذون من انتشار المعاصي وسيلة لتنفيذ مخططاتهم ويزعمون أنهم بذلك ينصرون الدين ويغارون على حدود الله سبحانه وتعالى وهم بذلك ينفذون إلى مصالح شخصية وأمور ذاتية نعم يصطادون الشباب من باب الغيرة على الدين ويقولون لهم انظروا إلى المعاصي كيف انتشرت ولا رادع لها أما تغارون على حدود الله أما عندكم همم الرجال لتحاربوا من عصى الله فهذه من كلامهم وهذه ما يصطادون به الشباب فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرفيتاد الله الله سبحانه وتعالى il mentionne dans le Coran dans sourate Al-Kahf dit au Mohammed aux hommes voulez-vous qu'on vous informe de ceux qui sont les plus grands perdants en œuvre ceux qui ont gaspillé leurs efforts dans la vie d'ici-bas alors qu'ils s'imaginaient être en train de faire le bien ceux-là sont ceux qui ont renié les signes de ton Seigneur de leur Seigneur ainsi que sa rencontre et il a donc rendu leurs œuvres vaines et il ne leur donnera aucun poids dans la balance au jour de la résurrection. Voilà leur rétribution, l'enfer, à cause de leur mécréance et parce qu'ils ont pris mes signes, mes versets et mes messagers en raillerie. L'imam al-Qurtubi, il dit à propos de ces versets, dans son tafsir, dans son interprétation du Coran, il explique que ces versets-là sont la preuve qu'il y a parmi les hommes qui vont faire des œuvres en pensant faire le bien, alors qu'en réalité leurs œuvres ont été vaines. Et puis il mentionne ensuite que qu'est-ce qui fait en sorte que les œuvres de la personne seront vaines ou annulées, c'est deux choses. Soit que la personne, elle a une croyance qui est corrompue, c'est-à-dire qui est en contradiction avec les fondements de l'islam, la personne qui a des égarements dans sa croyance, ou bien la personne qui a de la mécréance ou du riya, de l'ostentation et des choses de ce genre. Et l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, il dit dans son tafsir à propos de ce verset qu'il n'a pas été révélé à propos d'un groupe en particulier, mais que c'est général. Et ça veut dire que tout groupe ou tout individu qui rentre dans cette description, eh bien le verset s'applique à cette personne ou à ce groupe. Ceux qui s'imaginent faire le bien, qui s'imaginent être en train de faire le bien, mais qui en réalité sont dans l'égarement total. Et ils pensent qu'ils se rapprochent d'Allah alors qu'ils ne font en réalité que s'éloigner de lui et désobéir à ses commandements et faire des innovations. Et ça, la plupart du temps, on le retrouve chez les gens de bid'a, chez les gens de l'innovation. Parce que ce sont des gens qui ont inventé des choses qui ne font pas partie de la religion et ils les font au nom de l'islam. C'est des choses que Allah n'a pas légiférées dans le Coran et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseignées dans la sunna et que les pieux prédécesseurs parmi les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis n'ont jamais pratiqué non plus. Et donc ces œuvres-là ne font pas partie de l'islam. Et malgré tout, ces gens-là les font et les pratiquent au nom de l'islam. Donc beaucoup de ces croyances corrompues, les gens qui sont sur ces différentes tendances ou ces différentes voies ou ces différentes sectes, ils s'imaginent être sur la vérité et ils pensent qu'ils défendent l'islam et ils pensent qu'ils sont en train de servir la religion alors qu'ils sont les gens les plus éloignés parmi les créatures d'Allah, de la méthodologie d'Allah et de la voie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils n'ont pas pris leur connaissance des enseignements de la religion de ses sources. Ils n'ont pas pris la connaissance de la religion des sources que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnées, vers lesquelles il a ordonné de retourner parmi les hommes de la science islamique qui ont pris leur connaissance de l'islam, du Coran et de la sunna authentique et de la compréhension des pieux prédécesseurs, c'est-à-dire les sahaba et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran de demander aux hommes de science si on ne connaît pas ou si on n'a pas de connaissance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pourquoi n'ont-ils pas demandé lorsqu'ils ne savaient pas? Car le remède de l'ignorance, c'est la question. Le fait de poser la question à ceux qui savent. Approchez-vous un peu. Beaucoup de musulmans, à notre époque, ils prennent leur religion, leur connaissance de l'islam, leur compréhension de l'islam, ils l'apprennent de n'importe qui. Ils l'apprennent de n'importe quelle référence, de n'importe quelle source, sans réellement savoir si ces sources sont des sources qui sont bonnes ou authentiques ou correctes. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur Internet, soit sur YouTube, ou soit sur Google, et puis ils écrivent des questions. Et puis ils tombent sur n'importe qui, parmi les gens qui ont une apparence religieuse et qui parlent à la télé de la religion. Et donc, la réponse qu'ils trouvent, ils la prennent, sans même savoir la personne qui a répondu, qui est cette personne, où est-ce qu'elle a appris l'islam, c'était qui ses enseignants, c'était qui ses professeurs, C'est quoi sa méthodologie? C'est quoi ses fondements? C'est quoi ses principes? Hein? De quelle voie, de quelle tendance à quelle tendance elle appartient? À quelle voie elle appartient? Est-ce qu'elle retourne aux savants qui se basent sur le Coran et la Sunna et la compréhension des pieux prédécesseurs? Ou bien elle se base sur des philosophes? Ou bien elle se base sur d'autres écoles ou d'autres tendances qui sont déviées, qui font partie de différentes sectes d'égarement? Donc les gens ne font plus attention. Et pourtant, si c'est une question par rapport à la dunya, s'ils ont besoin de traitement pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, ils vont aller chercher les meilleurs médecins, ils vont aller chercher les meilleurs chirurgiens, ils vont aller essayer de trouver les meilleurs ingénieurs, les personnes les plus qualifiées, qui ont fait leurs études dans les écoles les plus reconnues, avec des diplômes qui montrent leurs qualifications, qui montrent leur expertise, qui montre à quel point ces gens-là ont maîtrisé la science qu'ils ont apprise. Mais quand c'est les questions de religion, tout d'un coup on devient complètement, hein, complètement négligent, complètement insouciant. Et on prend notre connaissance et notre compréhension de l'islam de n'importe qui, comme on dit dans la langue arabe, « min kulli man habba wadab », de n'importe qui comme ça. Et on ne sait même pas d'où il vient, d'où il a pris, d'où il a compris l'islam. Et c'est le danger aussi pour les jeunes. Ceux d'entre vous qui avaient des jeunes, qui sont des adolescents, et qui commencent à s'intéresser à l'islam, à chercher la connaissance de leur religion, à chercher à la comprendre et à la pratiquer, et qui se réfèrent à des gens comme ça, qui ont un discours parfois, qui ont un discours émotif, chargé d'émotions, chargé de discours, parfois qui sont des discours qui attirent les sentiments et les émotions, mais qui sont loin de la révélation et de la connaissance et de la compréhension correcte du Coran et de la Sunna et de la raison. Et donc ils suivent leur passion dans ces choses-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de demander aux hommes de science et non pas à n'importe qui. Et donc, celui qui ne prend pas sa religion des hommes de science, il risque de tomber dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans le verset. C'est-à-dire ceux qui s'imaginent faire des bonnes œuvres dans cette vie d'ici-bas, hein, alors que en réalité leurs œuvres sont nulles. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالَ. Dis, voulez-vous qu'on vous informe de ceux qui sont les plus grands perdants dans leurs œuvres? الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Ceux qui ont gaspillé leurs efforts dans la vie d'ici-bas. Ils ont gaspillé leurs efforts comment? Parce qu'ils ont fait beaucoup d'actes, beaucoup d'œuvres, beaucoup de bonnes choses. Et ils s'imaginent faire le bien. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous clarifie la réalité. Et après il mentionne que ceux-là, c'est ceux que Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu leurs œuvres vaines. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ne se basent pas sur la connaissance et la compréhension correcte. Et donc c'est comme ça qu'on voit aujourd'hui apparaître des gens, parmi des gens qui n'ont d'intérêt, hein, que de faire couler le sang des innocents et de tuer des musulmans et des non-musulmans parmi les innocents. Et ils croient qu'en faisant ça, ils sont en train de faire le djihad, alors que ça n'a rien à voir avec le djihad. Et ils s'imaginent être en train de défendre la religion. Alors ces gens-là sont en train de détruire la religion. Et ils sont en train de diviser les musulmans. Et donc, à chaque fois, tu es surpris. À chaque semaine, à chaque deux semaines, à chaque mois, on entend une nouvelle catastrophe, un nouveau malheur qui est causé, qui est fait par ces gens-là. Tu les vois être en train de faire une nouvelle catastrophe, un nouveau malheur. Et donc, c'est quoi cette croyance que ces gens-là ont, qui s'imaginent, hein, ou qui fait croire à ces gens que de tuer des innocents, C'est ça l'islam. Ou de faire croire aux gens que c'est de cette façon-là qu'ils vont devenir des martyrs et qu'ils vont rentrer au paradis en tuant des innocents. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran que quiconque tue un croyant volontairement, intentionnellement, sa rétribution sera l'enfer. Pour y demeurer éternellement, et il aura la colère d'Allah et sa malédiction, et il a préparé pour eux un grand châtiment. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Quel djihad sont-ils en train de faire, ces gens-là? Et quel martyr? Hein? Comment seraient-ils des martyrs alors qu'ils sont en train de tuer les musulmans? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman, il sera toujours en repos dans sa religion tant qu'il n'a pas fait couler du sang qui lui est interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le musulman, c'est celui dont les autres musulmans sont en sécurité par rapport à sa main et sa langue. C'est-à-dire que tu ne vas pas craindre de ce musulman qu'il te fasse du mal avec sa main ou qu'il te fasse du mal avec sa langue. Donc quel islam ces gens-là ont-ils appris? Ils n'ont pas trouvé d'autre chemin pour essayer de rentrer au paradis que de tuer des innocents. Ils ne savent pas que dans l'islam, il y a plein d'autres moyens par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné comment faire pour arriver au paradis et comment atteindre le paradis. Et déjà que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran que les pieux seront dans des jardins et des ruisseaux. Ils vont prendre ce que leur Seigneur leur donne. Et ils étaient bons auparavant, c'est-à-dire dans la vie. Ils priaient la nuit, ils dormaient peu. Ça, c'est une des voies pour le paradis. Également, de donner la zakat, de donner la sadaqa, et de faire des actes de charité. Et il n'y a rien de plus lourd dans la balance au jour de la résurrection que le bon comportement. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que qu'est-ce qui est lourd dans la balance, c'est de tuer les innocents et de faire couler le sang des musulmans? C'est ça qui fait rentrer au paradis? A'oudhu billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je garantis à celui qui a un bon comportement qu'on lui construira un palais dans le plus haut degré du paradis. Le bon comportement, le fait d'aimer pour Allah, de détester pour Allah, de s'aimer pour Allah, ça fait partie des choses également qui élèvent le degré des croyants dans le paradis. Le fait de rester avec la jama'a, de rester autour du dirigeant musulman et de le supporter dans le bien et de l'écouter et de l'obéir et de ne pas se diviser entre nous, ça fait partie des meilleures bonnes œuvres qu'on peut faire. Et donc c'est Khawarij, hein? Ils n'ont pas trouvé d'autre voie, ils ont délaissé tout ça et toutes les autres bonnes œuvres que Allah nous a mentionnées, ils ont laissé tout ça de côté et ils se sont dit, non, nous on veut juste tuer les gens, on veut juste faire couler le sang des gens et c'est tout. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc franchement, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient d'attirer les jeunes, de les amener vers leur cause, ou d'attirer les ignorants parmi ceux qui n'ont aucune connaissance de l'islam, en leur parlant avec des sentiments et des émotions, et en leur disant, regardez les péchés, regardez qu'est-ce qui se passe dans le monde, regardez qu'est-ce qui se passe en Syrie, regardez qu'est-ce qui se passe dans tel ou tel pays. Alors les gens, ils sont pris par les émotions. Hein? Et ils veulent faire quelque chose pour dire, oui, moi aussi, je veux faire quelque chose pour changer cette situation-là. Et donc, étant donné qu'ils sont ignorants et jeunes et faibles d'esprit, eux, ils leur disent, ça y est, le chemin, tu veux aider l'islam, vas-y, va te faire sauter. Va te faire tuer, va te faire exploser. Hein? Et ils mentent sur Allah et sur son messager, et sur l'islam et sur la religion d'Allah, en leur faisant croire qu'en se suicidant, ils vont entrer au paradis. Le suicide, c'est un des grands péchés dans l'islam. Celui qui se suicide, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il va continuer de se suicider dans l'enfer, comme il s'est suicidé dans cette vie d'ici-bas. Comment quelqu'un pourrait s'imaginer qu'en faisant ça, il va se rapprocher d'Allah et rentrer au paradis? Ça, c'est de l'égarement. Hein? Donc, il faut bien comprendre. Ces gens-là s'adressent à des ignorants et ils sont eux-mêmes ignorants. Il n'y a aucun savant parmi eux. Et il n'y en aura jamais non plus. Et même à l'époque des Sahaba, Abdullah ibn Abbas, quand il est allé débattre avec les Khawarij, la première fois, pour les ramener à l'islam, pour les ramener à la sunna. Hein? Il est allé les voir, il leur a dit, il n'y a aucun d'entre vous qui font partie des sahaba. C'est-à-dire, je vois parmi vous aucun d'entre les sahaba. Et ils étaient 6000 qui ont déclaré la guerre aux sahaba et à Ali radiallahu anhu, et qui ont fait le takfir de Ali radiallahu anhu et des autres sahaba, qui ont voulu faire la guerre contre les sahaba et qui pensaient qu'en combattant les sahaba, ils allaient rentrer au paradis. Vous voyez à quel point ils sont égarés. Et donc aujourd'hui, c'est la même chose. Ils n'ont aucune connaissance de l'islam. Ils n'ont aucun savant parmi eux. Et ils font le takfir des savants. Et ils traitent les savants d'hypocrites. Ils les appellent les savants du palais. Ils disent que c'est des savants qui sont des agents du gouvernement. Ils disent que ce sont des savants qui sont les ânes des gouvernements. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de la science. Ils ne connaissent pas la valeur des savants de l'islam. Et ils veulent des savants qui sont à leur passion à eux. C'est-à-dire qu'ils veulent des savants qui disent les choses comme eux, ils veulent l'entendre. Ils veulent des savants qui suivent leur passion et leur désir. Et quand ils voient que les savants défendent le Coran et la Sunna et ne disent pas ce qu'eux veulent entendre, alors ils font le takfir de ces savants-là. Ils disent, si ces savants ils disent pas que le gouverneur est kafir, alors c'est pas un vrai savant. Allahul Musta'an. Après ils disent, si ce savant il n'est pas en prison, c'est pas un vrai savant. Est-ce que dans l'histoire de l'islam, tous les savants ont été en prison? Hein? Et tu leur demandes, mais c'est qui les savants alors? Ils te disent, c'est des gens qui sont cachés dans une caverne, dans une grotte quelque part, hein? Ou qui sont inconnus. Personne n'a jamais entendu parler d'eux. C'est ça vos savants? Non, les savants sont connus pour leur science, pour leur piété, pour leur croyance en Allah, et pour le fait de s'accrocher au Coran et à la Sunna et aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit à propos des dirigeants injustes? Il a dit, Isma wa ati' lil amir wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Fasma wa ati'. Il a dit, écoute et obéis aux dirigeants dans le bien. Même s'il frappe ton dos, même s'il prend tes biens, écoute et obéis. Pourquoi? Parce que le résultat, si tu te révoltes, il va être plus grave que le fait d'endurer cette injustice. Et Allah subhanahu wa ta'ala, si tu es patient, il va te délivrer de ce dirigeant injuste. Tandis que si tu te révoltes, c'est le chaos qui va suivre. C'est le sang qui va couler dans les rues. Et c'est l'insécurité et le désordre qui va régner dans le pays. Et les koufars qui vont prendre le dessus par la suite. Et c'est ça ce qui se passe actuellement. Et donc tout ça, c'est pour nous faire comprendre la réalité. Qu'est-ce que c'est notre méthodologie? Qu'est-ce que c'est la voie des salafs? Et qu'est-ce que c'est la voie des khawarij? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les chiens de l'enfer. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين. ودمر أعداء الدين. وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.